إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc nous continuons, inshallah, cette série de cours que nous avons interrompu avant le mois de Ramadan pour se consacrer au mois de Ramadan, dans l'explication de 40 hadiths concernant les droits du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Nous nous sommes arrêtés au hadith numéro 28, donc nous en sommes au hadith numéro 29. Le hadith al-tasi'u wal-ishroun. An Abi Hurairata radiyallahu anhu, qala al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, yaqulu Allah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi. والحديث متفق عليه. Donc ce 29e hadith où Abu Huraira رضي الله عنه rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: Allah تبارك وتعالى a dit: je suis certes selon l'opinion que se fait mon serviteur de moi. Je suis, certes, selon l'opinion que se fait mon serviteur de moi. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Premièrement, ce hadith, hadithun Qudsi. C'est un hadith Qudsi. Le hadith Qudsi, c'est la parole d'Allah. Dans le sens et dans les paroles. Mais il ne fait pas partie du Coran. On ne peut pas prier avec. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis au défi avec le hadith Qudsi l'humanité de venir avec un verset ou une sourate comme lui. Donc, c'est une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de la part d'Allah, que ce soit dans son sens ou dans son contenu ou dans sa formulation. Allah l'a dit comme ça. Mais il n'est pas dans le Coran pour certaines sagesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Ce hadith Qudsi où Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'il est avec le serviteur selon l'opinion que le serviteur se fait d'Allah. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme il est venu dans d'autres hadiths détaillés, s'il pense du bien, alors il aura du bien. S'il se fait une bonne opinion de moi, il pense du bien, alors ce sera en sa faveur. Et s'il pense du mal de moi, il a une mauvaise opinion de moi, alors cela sera en sa défaveur. Ce hadith vient nous enjoindre, comme les hadiths qu'on a vus auparavant, d'être optimistes et d'avoir bon espoir en Allah tabaraka wa ta'ala, et d'avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et une bonne pensée vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le cas du croyant. Le croyant est optimiste. Le croyant a une bonne opinion de son Seigneur. Le croyant, quand il fait des actes, quand il fait du bien, espère que son Seigneur va accepter de lui, et va l'en récompenser pour cela. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim que personne ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah. Que personne ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah. C'est-à-dire, quand la personne est au moment de la mort, il doit avoir bon espoir en Allah. Une bonne opinion d'Allah, c'est-à-dire, il espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le traiter avec miséricorde, qu'il va lui pardonner ses péchés, qu'il va élever ses degrés, et non pas le contraire. Mais quand doit-on avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est lorsqu'on accomplit ce qui attire la grâce d'Allah et ses bienfaits, et ce qui suscite l'espoir en lui, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le croyant accomplit les bonnes œuvres, les bonnes actions, en pensant et en ayant la bonne opinion qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les accepter. Par contre, prétendre avoir une bonne opinion d'Allah, sans faire de bonnes actions, sans agir, sans faire de bonnes œuvres, ça c'est la religion des murji'ah, les gens qui disent qu'il n'y a pas besoin de faire de bonnes actions. Il suffit de reconnaître Allah dans son cœur et ça suffit. Ceci n'est pas une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est une manière de se bercer d'illusions sur Allah, à l'image d'une personne qui suit ses passions et ses penchants, tout en nourrissant de faux espoirs au sujet d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette personne-là est une personne faible et incapable. Ce n'est pas une personne qui a une bonne opinion d'Allah. Car s'il avait une bonne opinion, il aurait fait des bonnes actions. Avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va dans le même sens que le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Invoquez Allah alors que vous avez la certitude d'être accepté. » C'est-à-dire, la personne qui a une bonne opinion d'Allah, le croyant qui a une bonne opinion d'Allah, quand il invoque Allah, il a la certitude dans son cœur que son invocation n'est pas en vain. Allah va l'accepter. Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à son invocation. Mais les personnes faibles de foi et faibles de raison ne comprennent pas cela. Ils croient que invoquer Allah, cela veut dire donner des ordres à Allah. « Ya Allah, donne-moi une voiture. Ya Allah, donne-moi de l'argent. » Si cet argent et cette voiture, elle n'est pas du bien pour toi, est-ce qu'Allah va te la donner? Il ne te la donnera pas. Il va accepter ton invocation dans le sens où il va te donner un bien meilleur que cette chose que tu as demandé, où il va te préserver d'un mal qui allait t'arriver, où il va t'en garder la récompense dans l'au-delà. Où il se peut qu'il te donne ce que tu as demandé. Donc, l'acceptation de l'invocation, cela ne veut pas dire la réalisation de tes vœux. Il faut différencier entre une invocation acceptée et la réalisation de tes désirs et de tes vœux. C'est différent. Beaucoup de gens croient une invocation acceptée, cela veut dire mes vœux sont réalisés. Ce que je veux, Allah me le donne. Ceci est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné que quand Allah accepte l'invocation d'un serviteur, c'est par une de ces quatre manières. Ou bien il lui exauce sa demande, ou bien il lui donne un autre bien meilleur que ce qu'il a demandé, ou bien il lui repousse un mal équivalent, ou bien il lui en garde sa récompense complète pour le jour du jugement dernier. Et quand le croyant arrivera le jour du jugement dernier, il aurait préféré que ce soit cette quatrième manière qui soit gardée. Que son invocation n'ait pas été exaucée dans ce bas monde, mais que sa récompense complète lui soit gardée dans l'au-delà. On connaît tous le hadith, on en a parlé la dernière fois dans le cours, dans un des cours précédents, de la femme qui était épileptique, qui faisait des crises, et qui est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah de la guérir. Que lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, si tu veux, j'invoque Allah et Allah te guérira. Mais si tu veux, tu patientes et tu auras le paradis. Choisis. J'invoque Allah pour toi, Allah te guérira. Mais tu n'as pas une garantie. Tu n'as pas une garantie, une promesse d'aller au paradis. Mais si tu patientes, je te donne la garantie et la promesse que tu auras au paradis. Elle a dit, je patiente. Mais, ô messager d'Allah, invoque au moins Allah que quand je fais mes crises, je ne me dévêtisse pas. Je ne me dévêtisse pas. C'est-à-dire, elle était prête à patienter sur la maladie, mais elle n'était pas prête à patienter sur son honneur et sur sa pudeur. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a invoqué pour qu'elle ne se dévêtisse pas quand elle fait ses crises. Et ça, elle fait partie des femmes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé le paradis de son vivant. Donc vous voyez bien que l'objectif n'est pas que tes désirs, que nos désirs, que nos demandes soient exaucées ou réalisées. Mais l'objectif est qu'Allah accepte nos invocations. Il les exauce. Comment il les exauce? Par une de ces manières-là. Et ceci revient à la bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car Abwan, en langue arabe, ça peut vouloir dire l'opinion, la pensée, comme ça peut vouloir dire le doute, quand c'est utilisé dans un mauvais sens, le doute, comme cela peut vouloir dire la certitude. Comme cela peut vouloir dire la certitude. Donc ici, ça vient dans ce sens-là. Il a une bonne opinion d'Allah, c'est-à-dire qu'il a la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner du bien, qu'il lui veut son bien, qu'il va exaucer ses demandes, qu'il va lui pardonner ses péchés, qu'il va l'élever en degré. C'est dans ce sens-là. Donc avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit, cela ne doit pas être une excuse pour justifier le délaissement des bonnes actions. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah a donné un très bon exemple en cela. Il a dit: il n'y a aucun doute que la bonne opinion va de pair avec la bienfaisance et la vertu. En effet, la personne bienfaisante pensera du bien de son Seigneur. Il se dira qu'il va le rétribuer pour sa bienfaisance et sa vertu. Il ne trahira pas sa promesse et il acceptera son repentir. Quant à celui qui a mal agi, qui persiste à commettre de grands péchés, qui commet l'injustice et qui dévie de ceux qui du droit chemin, alors la laideur de ses actes de désobéissance, de l'injustice et de l'illicite l'empêche d'avoir une bonne opinion d'Allah. L'empêche de penser du bien de son Seigneur. Il a dit, c'est tout comme l'esclave qui a fui et désobéi son maître, il ne peut penser du bien de ce dernier. La laideur du mal commis est incompatible avec la bonne opinion et celui qui agit mal ne peut qu'appréhender sa situation en fonction du mal qu'il a commis. En fait, celui qui a la meilleure opinion de son Seigneur est celui qui lui obéit le plus, comme le disait Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, le croyant a une bonne opinion d'Allah, de son Seigneur, donc il fait du bien. Tandis que le pécheur a une mauvaise opinion de son Seigneur, donc il fait le mal. La mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une caractéristique parmi les caractéristiques des hypocrites et des associateurs. Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant d'eux dans sourate Ali Imran, a dit: يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّ. Ils pensaient sur Allah ce qui est contraire à la vérité, les mêmes opinions que la période pré-islamique. Il a dit aussi, en parlant d'eux, وَيُعَدِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ أَظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Donc dans sourate Al-Fath, verset 6, Allah tabaraka wa ta'ala dit: il fera soumettre au supplice les hypocrites, hommes et femmes, ainsi que les associâtres, hommes et femmes, qui ont une mauvaise opinion d'Allah. Le malheur retombera sur eux et ils encourront la colère d'Allah qui les maudira et leur préparera la jahenn. Quel affreux destin. Dans la même sourate, verset 12, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en parlant des mêmes hypocrites et associâtres: بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. Mais vous avez plutôt cru que le messager et les croyants ne reviendraient plus jamais à leur famille, pareille pensée séduisait vos cœurs, vous formiez des pensées coupables et vous étiez résolument un groupe de corrompus. Donc tous ces versets, il y a encore beaucoup d'autres versets qui parlent de la mauvaise opinion que les hypocrites, les associates ont d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est cette mauvaise opinion? Dans ces versets, cela parle du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala protégera ses alliés, donnera le succès aux croyants, leur donnera la sérénité dans le moment du combat. Alors que les hypocrites, leur mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est qu'ils pensaient que Allah ne va pas aider ni secourir son prophète. Il ne va pas aider ni secourir les croyants. Et leur état était dans un état de peur et de perturbation. À l'inverse de l'état des croyants qui ont une bonne opinion d'Allah, qui étaient sereins et qui avaient confiance en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce hadith, il vient appuyer tout ce que l'on a vu auparavant de l'importance d'être optimiste, d'avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de penser du bien d'Allah et de bien agir. Car c'est celui qui agit en bien qui aura une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prochain hadith, le hadith 30, عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم قل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه متفق عليه. Le 30e hadith, hadith de Aïcha رضي الله عنها, la mère des croyants, qui relate que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a envoyé un homme à la tête d'une expédition. Celui-ci récitait pour ses compagnons lors de leur prière et il terminait toujours par la sourate « Qul huwallahu ahad ». À leur retour, ils en parlèrent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit alors « Demandez-lui pourquoi il agit de la sorte ». Quand ils lui demandèrent, il dit « Elle est la description du miséricordieux. C'est pourquoi j'aime la réciter. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors répondu « Informez-le qu'Allah exalté soit-il l'aime comme lui il a aimé cette sourate. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait des expéditions, il leur désignait toujours un chef, un dirigeant. En général, il leur désignait un des plus connaisseurs, car c'est lui qui allait juger leurs différends, leur donner des commandements, présider leurs prières. Bien qu'il est déjà arrivé qu'il ait désigné à la tête d'une armée un plus jeune, alors que dans l'armée il y avait Abu Bakr et Omar ou d'autres. Ça peut arriver. Mais quoi qu'il en soit, c'était toujours une personne compétente pour diriger, pour juger leurs différends et pour présider leurs prières. Dans cette expédition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné un homme qui, quand il présidait la prière des croyants, il terminait toujours dans la deuxième rak'at sa sourate par une autre sourate, par Qul huwallahu ahad, par sourate al-Ikhlas. Quand ils sont venus, c'est une chose étrange, et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, ils ne vont pas laisser passer les choses comme ça sans questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils sont venus dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le chef que tu nous as désigné au messager d'Allah dans l'expédition, à chaque fois qu'il préside la prière, dans la deuxième rak'at, après avoir récité la Fatiha et la Surah, il récitait Qul huwa, il finit toujours avec Qul huwa Allahu Ahad. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas empressé de leur répondre. Il leur a dit, allez lui demander, allez le questionner sur la raison pour laquelle il fait cela. Sur la raison pour laquelle il fait cela. Quand ils lui ont demandé, il a dit, cette sourate, il y a dedans les attributs d'Allah, les qualités d'Allah. Elle décrit Allah subhanahu wa ta'ala. Et je l'aime, j'aime la réciter. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, allez lui annoncer qu'Allah l'a aimé. Allez lui annoncer qu'Allah l'a aimé. Ce compagnon qui présidait cette prière, qui était leur chef, a sûrement dû s'appuyer sur des hadiths qu'il a entendus du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlaient de la vertu de cette sourate. En effet, Al-Bayhaqi, dans l'Asma wa Sifat, rapporte avec une chaîne de transmission acceptable que les Juifs sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit « Décris-nous le Seigneur que tu adores. Décris-nous le Seigneur que tu adores. » Alors Allah a révélé « Qul huwa Allahu ahad ». Dans une autre version, dans un autre hadith d'Ubay ibn Ka'b, il a dit « Les associateurs sont venus dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Décris-nous le Seigneur que tu adores » et Allah a révélé « Qul huwa Allahu ahad ». Donc sûrement que ce compagnon connaissait ces hadiths et c'est pour cela l'a poussé à la réciter dans la salat, dans chaque salat. Dans chaque salat. Effectivement, Qul huwa Allahu ahad est une surat courte, mais dans laquelle Allah tabarak wa ta'ala a été décrit par ses plus merveilleux attributs, qui sont l'unicité, qui sont le fait que c'est lui qui s'occupe de toutes les créations qui ont besoin de lui et que lui, il n'a besoin de personne parmi elles, qui sont le fait qu'Allah n'a pas été engendré et qui sont le fait qu'Allah n'a pas engendré et qui sont le fait que rien ne lui est semblable. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc effectivement, cette sourate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ta'dilu thuluth al-Qur'an. Elle a le mérite du tiers du Coran. Elle a la valeur du tiers du Coran. Vous vous imaginez? Le tiers du Coran. Pourquoi? Parce qu'elle parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses qualités et de ses attributs. Les savants ont expliqué cette parole, ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qul huwa Allahu ahad ta'dilu thuluth al-Qur'an » que le « Qul huwa Allahu ahad » elle équivaut au tiers du Coran. Ils disent car le tiers du Coran, il est venu pour faire connaître Allah à ses créatures. Il est venu pour faire connaître Allah à ses créatures. L'autre tiers, il est venu avec les règles religieuses. Et l'autre tiers, il est venu avec les histoires des peuples passés et les promesses de l'au-delà. Et les promesses dans l'au-delà. Donc les histoires passées et les promesses futures. Al-wa'du wal-wa'id. Donc voilà le sens de que Qul huwa Allahu ahad équivaut au tiers du Coran. Le prochain hadith, الحديث الحادي والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. متفق عليه. في حديث أبو هريرة رضي الله عنه ولمسجد الله صلى الله عليه وسلم أدي lorsque Allah créa la création, il écrivit dans un livre qui se trouve auprès de lui, au-dessus du trône, certes, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Et dans une version, l'a emporté sur ma colère. Donc ce hadith nous prouve déjà l'existence du trône. Et que Allah est au-dessus du trône. Donc ce hadith prouve aussi l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de ses créatures. Car le trône est plus grand que le kursi qui est le marchepied ou le repose-pied. Le marchepied, le repose-pied, il est plus large que les cieux et la terre. Et le trône est encore plus large que cela. Et Allah est au-dessus du trône. Subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith vient nous prouver l'existence du trône, vient nous prouver qu'Allah est au-dessus du trône d'une manière qui lui est propre et qui lui sied, qui sied à sa majesté, subhanahu wa ta'ala, et vient nous prouver qu'Allah n'est pas mélangé à ses créatures. Il est au-dessus de ses créatures. Mais il est avec nous, avec sa science, avec sa puissance, avec son aide, avec son ouï, avec sa vue. Il est plus proche de nous que notre veine jugulaire dans ce sens-là. Comme il a dit à Moussa et Haroun, « Innani ma'akuma asma'u wa ara » Quand il les a envoyés vers Pharaon, il a dit « Je suis avec vous, j'entends et je vois. J'entends et je vois. » Dans ce hadith, il y a aussi l'affirmation de l'attribut de la rahma, de la miséricorde. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Il y a aussi l'affirmation de l'attribut de la colère. Allah tabaraka wa ta'ala, on lui attribue la colère. Allah se met en colère contre les gens qui lui désobéissent, contre les gens de la mécréance, contre les gens qui suivent les pas de Shaytan et qui l'ont pris comme allié. L'objectif de ce hadith, c'est pour montrer que bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala à l'attribut de la miséricorde, du pardon, et l'attribut de la colère, de la vengeance, de la domination, mais malgré cela, sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Ceci, encore une fois, pour pousser les serviteurs à avoir bon espoir en Allah, à aimer Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui connaît Allah, il ne peut que penser du bien de lui. C'est pour cela qu'un croyant ne peut avoir qu'une bonne opinion d'Allah. Alors que celui qui ne connaît pas Allah, comme la personne qui est loin du chemin de la foi ou le mécréant, il a une mauvaise opinion d'Allah. Il croit qu'Allah il n'est pas capable, qu'il est faible, qu'il ne va pas accomplir sa promesse, qu'il ne va pas aider les croyants. Il ne croit pas dans ses promesses, que ce soit le paradis ou l'enfer ou le jour du jugement dernier, car il ne connaît pas Allah. Donc celui qui connaît Allah ne peut que penser du bien de lui, avoir une bonne opinion de lui et espérer en lui. Et c'est cet espoir, cette bonne opinion, cet amour pour lui qui le pousse à agir, à être reconnaissant, à avoir honte, à ressentir de la pudeur vis-à-vis d'Allah. Car Allah Ta'ala lui a tout donné, l'a préservé. Il lui a donné tellement de grâces qu'il ne peut pas les dénombrer. Est-ce que c'est juste de répondre à tout cela par la négligence, par l'ingratitude, par la mécréance, par les péchés, par la désobéissance. La personne qui connaît Allah, qui a de la pudeur envers Allah, il ne peut pas. Il essaie d'être reconnaissant. Quoi qu'il fasse, il sait qu'il n'aura jamais été assez reconnaissant envers lui. Il ne l'aura jamais adoré comme il mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, l'être humain est pécheur et manquant. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu bani Adam khatta » Tous les fils d'Adam sont pécheurs. « Wa khayru al-khatta'i at-tawwabun » Et les meilleurs des pécheurs sont les repentants. Le croyant, il fait des péchés. Mais il évite d'en faire beaucoup et il évite d'en faire constamment. C'est ça la différence entre une personne pieuse et une personne débauchée. Et le pieux fait des péchés et le débauché fait des péchés. Mais le pieux, son état général est l'obéissance et la piété. Et le péché est une exception chez lui, est exceptionnel. Alors que le débauché, son état général est le péché. Et l'obéissance est une exception. Et le pieux, quand il fait un péché, il le regrette profondément et il s'en repent rapidement. Rapidement. Il ne reste pas constant sur un péché. Il s'en repent rapidement. Il répare rapidement. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Allah Ta'ala dit, ceux qui craignent Allah scrupuleusement, quand ils se font toucher par un groupe de shaytan, c'est-à-dire qui les a poussés à suivre shaytan, faire des péchés ou faire des choses qui ne sont pas correctes, تَذَكَّرُوا Voilà qu'ils se rappellent, فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Et qu'ils sont clairvoyants. C'est-à-dire qu'ils reviennent au droit chemin, qu'ils se repentent rapidement. Allah aime les repentants. « Inna Allah yuhibbu al-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahirin » Et celui qui sait que la miséricorde d'Allah est immense et que sa miséricorde a vaincu sa colère, est plus grande que sa colère, qu'attend-il pour se repentir et revenir à Allah ? الحديث numéro 32 الحديث الثاني والثلاثون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أخرجه الترمذي Rahimahullah. Ce hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud, qui était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a accepté l'islam très tôt, qui était quelqu'un de très sec, très petit, assez bronzé. Une fois, il est monté sur un arbre pour aller chercher du siwak pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'arbre de l'Arak. Et ils se sont moqués de ses jambes qui sont très fines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une jambe de Abdullah ibn Mas'ud, elle pèse plus lourd que la montagne de Uhud dans la balance. C'était un des plus grands connaisseurs du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé, il lui a dit, « Ya Abdullah, iqra alayya al-Qur'an, récite-moi le Coran. » Vous croyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à n'importe qui, récite-moi le Coran. Il lui a récité surat al-Nisa. Jusqu'à ce qu'il arrive à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hasbouk, arrête-toi là. Abdullah ibn Mas'ud a dit, je me suis tourné et j'ai vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait. Car dans le verset, Allah Ta'ala a dit « Comment feras-tu quand on amènera un témoin contre toutes les communautés et on te ramènera toi au Mohammed comme témoin contre eux ?» Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré. Donc Abdullah ibn Mas'ud, c'est un des compagnons vers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé pour apprendre le Coran. Il a dit, prenez le Coran de Abdullah. Il a commencé en citant Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il relate ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la valeur du Coran. Où il dit, quiconque lit une lettre du livre d'Allah obtient une hasana, une bonne action. Et la bonne action a 10 fois sa récompense. Je ne dis pas que alif, lam, mim est une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre, et mim est une lettre. Ce hadith est venu nous encourager à lire et à réciter le Coran. Car chaque lettre que l'on lit du Coran est décuplée en hasanat, en bonnes actions. Chaque lettre que l'on lit du Coran est décuplée en bonnes actions. Et il nous a expliqué que veut-il dire par une lettre. Ce n'est pas un mot. C'est vraiment chaque lettre du Coran. Alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. On voit dans ce hadith la largeur de la miséricorde d'Allah, car il a multiplié les bonnes actions de l'être humain et il ne lui a pas multiplié ses péchés. Quand l'être humain fait une bonne action, Allah Ta'ala lui multiplie par 10, par 700, par beaucoup plus. Alors que quand il fait une mauvaise action, il ne lui multiplie pas. Quand l'être humain a l'intention de faire une bonne action, il a l'intention de faire une bonne action, mais il en a été empêché, il n'a pas pu la faire. Allah lui inscrit une bonne action complète. Quand l'être humain a l'intention de faire une mauvaise action, mais après il change d'avis, il ne la fait pas. Il ne la fait pas. Allah lui inscrit une bonne action complète. Il ne lui inscrit pas une mauvaise action. Et si il met l'intention de faire une mauvaise action et il l'a fait, il lui inscrit qu'une seule mauvaise action. Et encore, les deux anges dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les deux anges qui écrivent les actes, celui qui écrit les bons et les mauvais, il a fait que celui qui écrit les bons, c'est lui le chef sur le deuxième. Il lui dit, attends un petit peu. Avant d'inscrire la mauvaise action, attends un petit peu. Peut-être qu'il va se repentir. Il le laisse attendre une demi-journée ou un moment. S'il s'est repenti entre-temps, il ne lui inscrit même pas. Il ne lui inscrit même pas. Si ça, c'est pas de la miséricorde et de la largesse dans les dons et dans la générosité, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'un Seigneur aussi généreux, aussi miséricordieux, aussi reconnaissant, ne mérite pas qu'on l'adore, qu'on l'invoque, qu'on l'évoque, qu'on lui obéisse, qu'on ne transgresse pas ses ordres, qu'on agrandisse son nom en tout lieu? Bien sûr que si. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette, nas'Allah tabarak wa ta'ala an yu'inana ala dhikrihi wa shukrihi wa husni ibadatihi. Qu'Allah nous permette d'être constamment dans son évocation, d'être reconnaissant envers lui et de l'adorer de la meilleure des manières. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.